السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، louange à Allah en cette nuit du 9 Ramadan 1441 qui correspond au 1er mai 2020. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue sur les ondes de la radio du Sid Imam Dar al-Hijra. Qu'Allah récompense ceux qui en sont responsables. Ils ont, hafidhahumullah, programmé des cours durant ce noble mois de Ramadan en arabe, en shilha, en rifia, en anglais et en français, dans différentes matières, pour faire connaître les étudiants et prêcheurs marocains, qu'Allah leur donne la réussite dans ce monde, et dans ce bas monde et dans le-delà. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que cette initiative se poursuit après Ramadan, et nous demandons à Allah de nous combler de la sincérité et du suivi. Pour ma part, je vous retrouverai, Inch'Allah, chaque vendredi sur les ondes de la radio Dar al-Hijra, Imam Dar al-Hijra, pour profiter ensemble des fawaïd et des perles que contient les rencontres ouvertes avec notre noble Cheikh, Cheikh Ubayd ibn Abdillah ibn Sulayma al-Jabiri. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge sa vie dans son obéissance. Ceci dit, nous commençons avec cette assise intitulée « La recommandation du jeûne et de la lecture du Coran » qui a eu lieu le 29 Sha'ban 1435 à la mosquée Ar-Radwan de Médine. « Qala rahimahullahu wa hafidhahu wa matta'abih »« Alhamdulillahi rabbil alamin »« Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in » لقد رفع الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الشهر القادم شهر رمضان، وذكر الله في كتابه ما يحض المسلم ويهيجه على صيامه طلبا للقرب عند الله عز وجل. فقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc Cheikh Hafidhahullah a dit « Louange à Allah, le Seigneur des mondes, et prière et salutations sur notre prophète Mohammed et sur sa famille et tous ses compagnons. » Ceci dit, il dit « Rahmatullah alayh, Allah a élevé l'évocation de ce mois qui arrive, le mois de Ramadan, vu que cette assise s'est passée lors du 29 Sha'ban 1435. » Donc Allah a cité dans le Coran ce qui incombe aux musulmans et ce qui va le motiver et l'encourager à jeûner pour se rapprocher d'Allah. Il est dit dans le verset qu'il a cité, Hafidhahullah, dans la traduction approximative du sens du verset, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et comme preuve claire sur la voie et comme discernement. Sourate al-Baqara, verset 185. يقول حفظه الله ومتع به وصف سبحانه وتعالى هذا الشهر بأنه شهره الذي أنزل فيه القرآن يعني على محمد صلى الله عليه وسلم فإنزال القرآن في هذا الشهر فيه منقبتان المنقبة الأولى تشريف هذا الشهر وتفضيله وذلك بإنزال الله فيه خير كتاب على خير نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم المنقبة الثانية التنبيه على أنه مما ينبغي المحافظة عليه والمداومة عليه وقضاء الوقت فيه قراءة القرآن في هذا الشهر دوك الدي حفظه الله تعالى Allah Azza wa Jal a décrit ce mois étant ce mois durant lequel il a descendu sur Muhammad alayhi salatu wa salam le Coran. Et il a descendu sur Muhammad alayhi salatu wa salam le Coran. Et dans la descente du Coran durant ce mois, il y a deux qualités et deux nobles qualités. La première qualité, l'honoration de ce mois et sa mise en valeur par la descente du meilleur livre d'Allah sur le meilleur prophète, alayhi salatu wassalam. La deuxième qualité, attirer l'intention que ce qu'il faut préserver durant son mois est le fait sur lequel, nous devons être constamment, c'est le fait de lire le Coran constamment et de se pencher constamment sur la lecture du Coran durant ce mois et d'y passer le maximum de temps dans sa lecture, dans sa méditation durant ce mois, parce que c'est le mois où Allah subhanahu wa ta'ala l'a descendu. Donc la première qualité, l'honoration qu'a fait Allah subhanahu wa ta'ala de ce mois, puisque et la mise en valeur de ce mois, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala y a descendu le meilleur des livres sur le meilleur des messagers, le dernier des messagers, alayhi salatu wassalam. La deuxième qualité, c'est que il attire notre attention, ce verset attire notre attention, sur le point et la chose qu'il faut préserver le plus durant ce mois, et sur laquelle il faut se pencher constamment durant ce mois, et sur la chose sur laquelle nous devons passer le maximum de notre temps, qui est le fait de méditer le Coran et de lire le Coran. قال حفظه الله أنزل فيه القرآن فهذه الجملة تشريف للشهر من ناحية وحض على تعاهد القرآن والمداومة على تلاوته من وجه آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أخرجه البخاري رحمه الله. Et donc, أنزل فيه القرآن, dit Sheikh, au cours duquel le Coran est descendu, il dit cette phrase, dont ce verset est une honoration de ce mois, d'une part. Au cours duquel le Coran est descendu, cette phrase est une honoration et une élévation de ce mois, d'une part, et aussi une recommandation de s'occuper soigneusement du Coran et de le lire constamment d'autre part. Et il est stipulé dans le hadith qu'il a cité, Hafidahullah, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah, qui a dit, le prophète était le plus généreux des hommes, en temps normal. Et il se voulait encore plus généreux pendant le mois de Ramadan, période durant laquelle, chaque nuit, il rencontrait Jibril, alayhi salatu wassalam, qui lui faisait réviser le Coran. Et lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, rencontrait Jibril, alayhi salatu wassalam, il était plus rapide que le vent à accomplir le bien, alayhi salatu wassalam. Et là, j'ouvre une parenthèse. On doit retenir ici, frères en Allah, azza wa jal, et sœurs en Allah, subhanahu wa ta'ala, la recommandation de se montrer plus généreux pendant le mois de Ramadan, en temps normal. Qu'est-ce qu'il en est dans la quand la communauté est dans une situation difficile et particulière et que beaucoup de gens sont dans le besoin, qu'on ne soit pas avare à aider ceux qui sont dans le besoin. Et ceci, c'est une miséricorde pour ceux qui sont dans les anges, qu'Allah leur bénisse leur bien et leur fortifie leur bien, qu'ils dépensent dans le sentier d'Allah en cette noble saison du jeûne et en cette période difficile pour beaucoup de nos frères et beaucoup de nos sœurs et beaucoup de familles musulmanes à travers la planète. Et méditez ici que l'ange Jibril rencontrait le messager d'Allah durant le mois de Ramadan pour lui faire réviser le Coran. Et cette rencontre procure une joie et une motivation et un encouragement au messager d'Allah qui le pousse à davantage de bien, à accomplir davantage de bien. Il nous a été ordonné de le prendre comme modèle, Et il est dit dans le verset, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Le verset, vous le connaissez, il est dit dans la traduction approximative, dites si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Suivez qui? Le messager, alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce messager, c'est notre modèle. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez le meilleur des modèles, oh le messager d'Allah. Et revenons au texte de notre noble cheikh, Hafidahullah. قَالَ حَفِظَهُ اللَّهُ وَالْقُرْآنُ يَجِبُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أُمُورُ وَهِيَ مَقَاصِدُهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَسْتَجْمِعَهَا. الأول التعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوة هذا القرآن بأن يخلص لله هذه التلاوة ويحتسبها عنده. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترمذي رحم الله أئمة الإسلام. هذه يقول شيخنا حفظه الله هذه يا أيها المسلمون 30 حسنة. فكلما قرأ المسلم إذن من آي هذا الكتاب وصوره فالحروف محتسبة له عند الله ما دام إنه محتسب مخلص لله تلاوته. إلت حفظه الله. Il est obligatoire dans la lecture du Coran de réunir les trois points essentiels qui sont les buts du Coran. La première, le premier but, adorer Allah avec sa lecture. Et cette lecture doit être accomplie sincèrement pour Allah, en espérant la récompense d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lit une seule lettre du Coran se voit inscrire une bonne action, et la bonne action est multipliée par 10. Je ne dis pas que Alif Lam Mim constitue une seule lettre, mais bien que Alif est une lettre, Lam est une lettre, Lam est une lettre, et Mim, il Mim est également une lettre. Le hadith est rapporté par Tirmidhi, et le hadith il est authentifié par Sheikh Nasr Dil Albani rahmatullah alayh dans Sahih Tirmidhi. Et Sheikh, notre noble Sheikh dit, ô musulmans, ceci, ce sont 30 hasanat, dont chaque fois, donc chaque fois que le musulman lit des versets de ce livre, et lit des sourates de ce livre, les lettres lui sont comptées chez Allah, tant qu'il est sincère et qu'il espère la récompense d'Allah pour sa lecture. L'amr al-thani ma yusilu ila al-amal bihada al-Qur'an ala al-wajh al-sahih al-salim fi'lan lil-awamir wa tarkan lin-nawahi wa tasdiqan lil-akhbar wa hadha huwa at-tadabbur tadabbur al-Qur'an. Il dit rahimahullah, le deuxième but du Qur'an, le deuxième but dans la lecture du Qur'an, prendre la voie qui amène à la mise en application du Qur'an d'une façon saine et authentique, en mettant en application ses ordres, les ordres du Coran, et en s'abstenant de ses interdits. والمقصد يقول رحمه الله فإن المسلم إلدي حفظه الله. Donc, dans ce deuxième but, prendre la voie qui amène à la mise en application du Coran d'une façon saine et authentique, en mettant en application les ordres du Coran, en s'abstenant de ses interdits, et en certifiant la véracité de tout ce qu'il a annoncé. Et ça, c'est la méditation du Coran. C'est la méditation authentique et saine du Coran. Et c'est la compréhension du Coran. يقول فإن المسلم حين يتدبر القرآن فيقف عند وعده ووعيده وأمره ونهيه وخبره فإنه يطمئن قلبه وينشرح صدره فيزداد تلاوة ويزداد فهما كلما زادت تلاوته بقراءة القرآن مع التدبر. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Il dit, Habibullah, le musulman, quand il médite le Coran, doit prendre le temps de méditer ses promesses et ses avertissements, ainsi que ses ordres et ses interdits, et aussi méditer ce que le Coran annonce. Il dit, Habibullah, en agissant de la sorte, son cœur s'apaise et sa lecture du Coran augmente, ainsi que sa compréhension, chaque fois qu'il le lit avec méditation. Et il dit dans le verset qu'il a cité, Habibullah, dans Sourate Muhammad, le verset 24, dont la traduction approximative nous dit ceci, ne médite-t-il pas le Coran, ou alors y a-t-il des cadenas sur leur cœur? يقول حفظه الله هذا سؤال استنكار كيف يمرون ما أنزل الله في الكتاب الكريم مرورا دون النظر واستعمال البصيرة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإن التدبر هو الذي يوصل إلى العمل ويحمل على الاحتساب والإخلاص ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال. Il dit, Habibullah, la question dans le verset est une question réprobative. Le verset, il dit, ou alors y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Notre cher Habibullah, il dit, comment il passe sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu dans son noble livre sans le méditer, sans le comprendre, sans y chercher la science, la clairvoyance, alors qu'il est dit dans le verset, ne médite-t-il pas le Coran ou alors y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Il dit, Habibullah, car c'est par le biais de la méditation et de la compréhension qu'on arrive à la sincérité et au messager et à la sincérité pour Allah et au suivi des messagers alayhi salatu wassalam dans les paroles et dans les actes. Et on arrive aussi à, par le biais de la compréhension vers l'espoir de la récompense en Allah. Donc, nous devons nous penser sur le Coran, le comprendre, le méditer. Et, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé d'une grande grâce. C'est que les imams de la science et les hommes de science nous ont légué un héritage, un noble héritage dans l'explication du Coran. Et certaines explications du Coran sont à la portée de tout un chacun qui a un minimum de langue arabe. Hein? التفسير الميسر qui a été fait par un certain noble homme de science sous le patronage du Cheikh Salah al-Sheikh. Ici on a maîtrisé l'ajromiya, nous avons le tafsir de l'imam Sa'di rahimahullah, et dans un plus haut degré arrive le tafsir d'Ibn Kathir, et ainsi de suite. Donc nous avons des moyens sur lesquels on peut pencher pour avoir la compréhension du Coran, et quand on se penche sur la lecture, à ce moment-là, on a une certaine clairvoyance, et on a une certaine... notre cœur réagit avec ce que nous lisons. Et nous devons nous donner les moyens pour arriver à cela. Et quand on ne maîtrise pas l'arabe, il est obligatoire pour nous de le maîtriser. Obligatoire, car il est des règles sur les hommes de science que le moyen avec lequel on arrive à une obligation devient lui-même une obligation. Et comme il est obligé de comprendre la parole d'Allah et la sunna de son messager alayhi salatu wassalam, et qu'on ne saurait le comprendre qu'avec la langue arabe comme il se doit, donc on est obligé de se pencher sur la langue arabe. Pourquoi se priver de cet excellent héritage des anciens et des contemporains? Hein? Ces explications du Coran, dans les audios de Cheikh Al-Utaymiyyin, de Cheikh Al-Fawzan, de Cheikh Al-Haydan, et des grands imams de la communauté, comme Cheikh Rabih, Cheikh Ubaid, Cheikh Al-Abbad. Pourquoi passer à côté de cet héritage et de ce noble héritage, hein, qui concerne l'explication du Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam? Donc, nous devons nous atteler et chercher l'aide d'Allah pour maîtriser la langue du Coran. Hein, et nous ne devons pas nous contenter tout le temps sur, hein, la traduction. C'est bien pour se dépanner. Mais comme je le dis souvent, ce n'est qu'une béquille, quelqu'un, hein, qui s'est foulé la jambe ou là, hein, qui s'est cassé, on lui a mis un plâtre, après on lui a donné des béquilles pour marcher. Donc c'est pas sa situation normale. Et après il passe le temps de la rééducation, et après il reprend sa marche normale, hein, sur ses pieds. C'est comme ça que nous devons prendre la traduction. Nous ne devons pas dormir dessus. Il n'est pas normal qu'après 5 ans de conversion dans l'islam, on n'a pas maîtrisé la langue arabe. Ou 2 ans. Hein? C'est pas normal. Le problème n'est pas dans la langue arabe. Le problème est dans nous. Comment on organise notre temps? Hein? Et à quoi nous donnons l'importance? Et la priorité, des priorités pour nous, c'est d'apprendre ce que veut de nous Allah Azza wa Jal et de maîtriser les obligations de notre 24 heures. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de sa religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à maîtriser nos obligations, hein, des 24 heures. Hein? Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à apprendre la langue du Coran et la langue de la Sunna, et qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Et je reviens, après cette parenthèse, aux paroles de notre noble cheikh, Cheikh Ubaid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala en savait dans son obéissance. قال حفظه الله وأثنى الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت عندما تقف على الوعيد الشديد وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا لأنهم يتدبرونها ليفهموا ما تضمنته الآيات. إيه Il dit, Havidahullah, Allah Azza wa Jal a fait les éloges des gens de la foi. Et il dit dans le verset qu'il a cité dans la traduction approximative, nous dit ceci, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit, Havidahullah, cela veut dire, ils ont peur quand ils sont devant les sévères avertissements cités dans le Coran. Ils ont peur et leur cœur frémisse quand ils sont et quand ils lisent les sévères avertissements cités dans le Coran. Et la suite du verset nous dit cela, et quand ces versets leur Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Pourquoi il fait leur augmenter leur foi? Parce qu'ils méditent ces versets, parce qu'ils les comprennent, parce qu'ils comprennent ce qu'ils contiennent, et parce qu'ils les mettent en application. Voilà pourquoi ça augmente leur foi. Al-maqsad al-thalith, al-amal bil-Qur'an. وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. أخرجه مسلم. Et le troisième but du Coran, la mise